allongé sur une plage de sable blanc, coquillage tranquille, les pieds dans l'écume, un splendide paysage. Au loin, le soleil embrasse l'eau, embrasse l'horizon naufrage. Cependant, une brise douce me caresse le visage, j'éprouve un étrange sentiment. Elle m'apporte un chant amer comme sorti de l'abîme. Sur la rive, des vagues arrivent, de vagues murmures, tristes rimes, des lamentations qu'on étouffe, qu'on comprime, qui traversent les siècles. Dans toutes les langues qui planent au-dessus de ma tête comme un spectre, le désarroi dans les mœurs, l'amertume profonde comme la douleur de vie mal vécue, de grand cœur, de petits frères, de petites sœurs. J'entends le chant du désespoir, le clat de la mort. Oraison funèbre, funéraille, comme sortie des entrailles des ténèbres. Tout à coup, mon ciel bleu s'est obscurci, impuissant. J'aurais voulu, mais j'aurais couru, mais d'où viennent ces cœurs, ces peurs, ces pleurs, ces clameurs? Et on m'a dit: ce pays, c'est notre monde où poussent d'étranges fruits. Blackbirds. Les enfants pour la grande production sèment les graines de la confusion. Pour les rendre incultes, irrigués par le mensonge, on répand le poison pour nourrir des ordres avec un air qu'on chante. Avec l'instrument à une corde, bien dressé à servir, chaque épi donne tout son or sans se faire battre. Et quand y'a plus à donner, la faucheuse vient s'abattre. Chaque dépouille devenue paille annonce la fin de la moisson. La fer et pierre en table et fait tourner sans problème l'exploitation. La semeuse sème à tout vent, en tout lieu, à toute saison. Et bientôt les petits clans, les petits mœurs seront vite remplacés par d'autres petits bras, d'autres petites mains, d'autres visages d'un autre pays, d'une autre colonie, d'une autre terre à brûler, de beaux rivages, des belles photos quand on part en vacances. J'aurais tendu la main, mais j'aurais donné de l'argent, mais impuissant, indigné, mon cœur plein de rancœur, et on m'a dit: notre monde se nourrit de ces étranges fruits. A toujours faim, le capital n'est jamais rassasié, le monstre une logique bestiale, et pour ses maîtres sa survie est capitale. Coulé au soleil ou battu sous la plante, qui rapporte du profit. Élevé dans les armes ou percé par la mort, tant qu'il rapporte du profit. Les entrailles broyées par la faim, tant qu'il rapporte du profit. Vendre son corps, vendre sa vie, tant qu'il rapporte du profit. Et tout s'est éclairci quand soudain j'ai compris tous les rouages de cette machine, ce système qui tombe trop bien, qui dresse, conditionne et moissonne nos enfants et les consomme en guise de carburant. Je vais te dire pourquoi tu es là. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Sais-tu exactement de quoi je parle? Le fait que tu es un esclave. Blackbirds. Que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Je refuse de le croire. C'est impossible. Je n'ai pas dit que ce serait facile. J'ai dit que ce serait la vérité.